Verrier, verrier, violet. Violet, violet, vert. Yeah. Je les crois comme un club, yeah. Wow. Hustler comme au bled, yeah. Wow. J'suis trop déter, j'ai juré sur des têtes. J'aime pas réclamer de l'aide, yeah. Yeah. J'ai quelques drames sur moi, ça sent fort. La feu me veut mon cœur et mon son corps. Vert et violet, smile comme le Joker. Faire de coro, crains pas, coup de poker. J'ai juste besoin d'une bonne bouffée d'air. L'espace du temps, du vent, du blé de l'herbe. Violet, violet, vert et vert et violet. Vert et vert et violet, violet, vert. Vert et violet comme les sachets de billets. Vert et violet comme les billets que je veux. Baby, mets ton nom dans mon portable. Sit down sur ma butte, c'est confortable. Vert et violet comme les billets que je veux. Vert et violet comme les sachets de billets. J'ai les crocs comme une bête, yeah. J'suis déter comme le best, yeah. De mon petit cœur, j'ai fermé la porte. De mon bif, il faut que je me rapproche. En espérant que tout ça me rapporte. Un peu plus que ce que j'ai dans la poche. J'ai ma mif, il faut que je l'entretienne. Comme VALD, faut que j'entertaine. Nique sa mère, la bonté, ça paye pas. Rejoins sont bien chargé, m'apaisera. J'ai les souvenirs marqués sur la peau. Je m'en souviendrai jusqu'à tout en haut. Verrier, verrier, violet. Violet, violet, vert. Violet, violet, verrier, verrier, violet. Verrier, verrier, violet, violet, vert. Verrier, violet, comme les sachets de billets. Verrier, violet, comme les billets que je fais. Baby, mets ton nom dans mon portable.